بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لونجا الله وسيت نوي دي 21 شعبان 1441. C'est notre deuxième assise aujourd'hui sur les ondes de Radio Taqwa pour prendre les leçons de la troisième assise que Cheikh Obeid Hafidahullah a fait pour les leçons à retenir de ce hadith qui nous prouve la véracité de notre messager alayhi salatu wassalam, où le messager alayhi salatu wassalam a cité dans ce hadith 5 ignobles mœurs qui sont les causes du châtiment dans ce bas monde. Et je vais vous reciter le hadith. Selon Imam Ahmad ibn Majah et d'autres, le hadith qui est un hadith hassan. Et ce hadith a été authentifié par certains nombres de sciences. Hadith d'Abdullah ibn Omar qui a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: un groupe de muhajiroun, 5 ignobles mœurs, si vous en êtes éprouvés, et je me réfugie auprès d'Allah pour que vous ne les atteigniez pas. Lorsque la débauche, zina, l'homosexualité, etc., lorsque la débauche se propage au point que les gens en fassent la propagande et la commettent ouvertement, alors il se propagera au milieu d'eux des épidémies et des douleurs que les ancêtres n'auront pas connues. Lorsqu'ils tricheront dans la balance et la mesure, alors ils seront punis par la sécheresse, la disette, ainsi que l'oppression des gouverneurs. Lorsqu'ils ne s'acquitteront pas de leur zakat, Allah les privera de la pluie. Et si c'est pas les bêtes, aucune goutte ne leur parviendra du ciel. Lorsqu'ils rompront le pacte d'Allah et le pacte de son messager, Allah les fera dominer et écraser par des ennemis extérieurs à eux qui s'empareront de certaines de leurs richesses, dire par des mécréants, par des ennemis de la religion et des ennemis d'Allah Azza wa Jalla. Et lorsque leurs gouverneurs n'appliquent pas les commandements du livre et ne choisissent pas les solutions dans ce qu'Allah a descendu, Allah enclenchera les tueries entre eux. Il dit Hafidhahullah dans cette troisième assise, après les louanges à Allah et la prière sur le messager alayhi salatu wassalam, sa noble famille et ses nobles compagnons, radhi Allah alayhim, il dit « أما بعد فما ظنكم أيها السامعون من المسلمين والمسلمات إلا أدركتم أن هذا الحديث تحذير من خمس من أعظم الكبائر وأشد المعاصي وهي ذنوب عظيمة هذه الذنوب رتب الشارع عليها خمس عقوبات وهي عقوبات دنيوية تحل بالمسلم في دنياه قبل أخراه والكبائر يغفرها الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح وهي التي يتواطأ عليها القلب واللسان. Il dit حفظه الله تعالى, je crois ou Thank you. Il dit, Habidallahu Ta'ala, ô musulmans et musulmanes qui m'écoutez, je crois que vous avez capté que ce hadith est un avertissement contre 5 énormes péchés capitaux et 5 énormes graves désobéissances. Ce sont d'énormes péchés. Le législateur a décrété pour ces 5 péchés 5 châtiments. Et ce sont des châtiments mondains que subira le musulman dans ce bas monde avant le delà. Ces péchés capitaux, les péchés capitaux, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne avec le repentir sincère. Et le repentir sincère, c'est le repentir sur lequel concorde le cœur et la langue. يقول حفظه الله ومن حقيقة هذه التوبة وشروطها الأول الإسلام فلا توبة لكافر ثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى الثالث الإقلاع عن الذنب بالكلية وهذا يستلزم هجر ما يؤدي إلى الذنب من الوسائل والأسباب والطرق وقد استوفينا ولله الحمد شروط التوبة في محاضرة لنا نشرت ضمن اللقاءات القطرية وبثت من موقع سحاب وعنوان تلكم المحاضرة تبشير أهل الحوبة بثمار التوبة فليرجع فليراجع من شاء يلجي حفظه الله تعالى La réalité de se repentir et de ses conditions. La réalité du repentir et de ses conditions, c'est-à-dire la réalité du repentir sincère et les conditions du repentir sincère. Et d'abord, l'islam, car il n'y a pas de repentir pour le mécréant, tant qu'il ne s'est pas converti à l'islam. Deuxièmement, la sincérité pour Allah. Troisièmement, le renoncement au péché complètement, et cela implique le fait de s'éloigner des moyens qui y conduisent. Il dit, Habibullah, louange à Allah, nous avons traité ce sujet du repentir en détail, ainsi que les conditions du repentir lors d'une conférence qui a été propagée lors des rencontres Qatari, et ça a été mis sur le site Sahab, dont le titre c'était « La bonne nouvelle pour le repentant ». Le titre était les bienfaits du repentir, la bonne nouvelle pour le repentant, hein, et les bienfaits du repentir pour celui qui veut le réviser. Et je crois que c'est celui qui est contenu dans ce recueil que nous avons déjà fait, dont nous avons déjà pris la traduction la semaine dernière. Il dit, Habidallah, فإذا تقرر هذا فالواجب على كل مسلم ومسلمة ابتلي بجريمة من هذه الجرائم وكبيرة من هذه الكبائر أن يبادر إلى التوبة النصوح قبل أن يحل به العذاب. Il dit, Habidallah, donc c'est le fait de se repentir et confirmer et recommander, il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane qui est éprouvée par l'un de ses crimes et l'un de ses péchés capitaux d'entreprendre un repentir sincère avant de subir le châtiment qui en découle. Il dit, Habidallah, wa al-waqi'u yashhadu anna min al-uqubat ma yqdi 'ala al-mar'i fala yatamakkan min tawba fayalqa Allah wa huwa ghayru ta'ib wa hina idin naqulu bina'an 'ala ma dalla 'alayhi al-kitab wa as-sunnah وإجماع الأئمة هذه الذنوب والآثام العظائم من عملها مستحلا لها وهو لا يعتقد تحريمها إلى آخر ما ذكره أهل العلم من الشروط التي تجعل المسلم يكفر باستحلال هذه وأمثالها يعني إذا عملها عالما عامدا طائعا مختارا عالما بما توجبه جريمته من عقوبة ومع هذا يستحلها فإنه كافر يخلد في النار أبد الآبدين. Il dit, Habidallah, la réalité nous montre qu'il y a des péchés qui font périr la personne avant de pouvoir s'en acquitter. Il dit, l'individu rencontre Allah sans se repentir et sans repentir. Il dit, dans ce cas-là, selon les preuves du livre, de la sunna et du consensus des imams, nous disons que ces énormes péchés, celui qui les accomplit en croyant que c'est licite, il ne croit pas au caractère illicite de ces péchés selon les conditions que citent les savants qui font que le musulman devient mécréant en croyant que ces péchés et leurs similaires sont licites. C'est-à-dire, il les accomplit volontairement en sachant ce qu'impliquent ces crimes, hein, en sachant ce qu'impliquent ces crimes comme châtiment, et avec ça, il croit que c'est licite de les accomplir. Dans ces cas-là, c'est un mécréant qui sera éternellement au feu de l'enfer. يقول حفظ الله ومن فعلها معتقدا تحريمها لكن سولت له نفسه وصدق عليه الشيطان وظله وغلبت عليه الشقوة حتى يعملها فهو فاسق من الفساق فإن تاب غفرت له ذنوبه فتوبة المسلم تجب ما قبلها من الذنوب الشرك فما دونها. Il dit حفظه الله est celui qui les accomplit en croyant que c'est illicite, mais il suit son âme incitatrice au mal, et se fait accaparer par Shaitan. Celui-là, c'est un pervers parmi les pervers, c'est-à-dire c'est un désobéissant. S'il se repent, ses péchés seront pardonnés, car le repentir du musulman couvre ses péchés précédents. L'association et tout ce qui ont en dessous de l'association. Tout est pardonné par Allah. L'association et tout ce qui est en deçà de l'association, c'est la personne sans repos. Allah accepte le repentir, subhanahu wa ta'ala. Et quand la personne se repent, ça couvre tous ses péchés précédents du moment qu'ils sont les repentis. Louange à Allah. يقول وإن لقي الله على غير توبة فهو تحت مشيئة الله كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وجاءت بذلكم السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار وأجمع أئمة أهل السنة على أن من لقي الله تائبا من ذنوبه كفرت خطاياه ومن لقي الله دون توبة فهو تحت مشيئة الله كما نصت هذه الآية والأحاديث المتواترة. Il dit حفظه الله تعالى, et si le musulman rencontre Allah sans repentir, dans ces cas-là, il dépend de la volonté d'Allah. Comme il est dit dans le verset qu'il a cité, حفظه الله, dont la traduction approximative nous dit ceci: Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer, et en dehors de ça, et en deçà de ça, il pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Hamidallah, et il y a l'unanimité des imams, des gens de la sunna, que celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala celui qui meurt après qu'il soit repenti, hein, il y a l'unanimité des gens de la sunna que ses péchés sont expiés du moment qu'il s'est repenti avant sa mort. Et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans être repenti de ses péchés, celui-là, il dépend de la volonté d'Allah. Comme il est stipulé dans ce verset, et dans d'autres versets, et dans les hadiths notoires. Donc, si le musulman rencontre Allah, hein, sans repentir, il dépend de la volonté d'Allah. Hein, comme il est dit dans le verset. يقول حفظه الله هذا هو الوجه المجمل في شرح ما تيسر من هذه الخصال التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها واستعاذ أن يدركها تلكم الصفوة من أصحابه رضي الله عنهم وهم خير الأمة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم يستعيذ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدركوها ونحن معاشر المسلمين أدركنا ما أدركنا من هذه الذنوب والكبائر التي تسود كثيرا من أقطار المسلمين إما كلها أو بعضها فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلتي حفظه الله. Ça, ce qu'il vient de citer, c'est l'interprétation générale de ces ignobles mœurs qui sont concernées par l'avertissement du prophète alayhi salatu wasalam et desquelles le prophète s'est réfugié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette élite qui sont ses compagnons ridwanullahi alayhim n'en soit pas atteint. Car ses compagnons, ce sont les meilleurs de la communauté. Muhammad alayhi salatu wasalam s'est réfugié auprès d'Allah pour que les meilleurs de la communauté en soient préservés. Il dit, tous nous voyons et vivons au milieu de ces péchés capitaux qui sont propagés dans beaucoup de pays de l'islam, soit l'ensemble de ces péchés, soit une partie. Il dit, nous sommes à Allah et nous revenons vers Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yaqul, al-khislatu al-awla, dhuhurul fawahish mu'lanatan, ya'ni bighayri haya'in min Allah, wala min salihi ibadih, ka'annaha sharbu ma'in. عند هؤلاء المتهورين المستهترين الذين صدق عليهم إبليس ظنه حتى سلبهم الحياء من الله ومن صالح عباده ومن ذلك من تجعل بيوت للدعارة يحميها قانون من تأويها من الحكومات المسلمة فما عقوبة هذه الكبيرة إذ حفظه الله la première ignoble mœurs l'apparition et la propagation de cette turpitude qui est zina, l'homosexualité, hein, l'homosexualité masculine, l'homosexualité féminine, et ainsi de suite. Hein. Il dit l'apparition de la propagation de la turpitude, sans en avoir honte, et sans pudeur devant Allah, et sans honte devant les vertueux, parmi les soumis d'Allah. Ah, cette turpitude est apparue chez ces insouciants comme s'ils boivent de l'eau. Pour eux, c'est comme boire une gorgée d'eau. Ces insouciants duquel Shaitan s'est accaparé. Et Shaitan les a dépouillés de la pudeur devant Allah et devant ses vertueux soumis. Fait partie de cela, la création de maisons de prostitution protégées par les lois de certains pays de l'islam. Il dit, Habidallah, c'est quoi le châtiment de ce péché capital? Yaqulu Habidallah, uqubatuha, anna ha'ulai al-mu'linin, min fawahish, al-mu'linin min fawahish, annahu tadharu fihim awja', amrad, lam takun ma'rufatan fi man madha min aslafihim, wa shahidu al-hal, خير واعظ فإن لم تكونوا كلكم فالكثير منكم يسمع بالإذ والهربس الجنسي والسيلان والزهري وأمراض كثيرة انتشرت في كثير من أقطار المسلمين وبعضها لم يوجد له علاج ونسمع كثيرا بين الفينة والفينة أمراض يصعب نطقها إلا باللغات الأجنبية ومما انتشر في الآونة الأخيرة أنفلوزا الخنازير وأنفلوزا الطيور والكورونا وغيرها من الأمراض. Il dit, Habidallah Ta'ala, on réponse à sa question, et c'est quoi le châtiment de ce péché? Il dit, le châtiment de ce crime, c'est que ceux qui le fassent ouvertement apparaît au milieu d'eux des douleurs et des maladies qui n'étaient pas connues chez leurs aïeux. Il dit la réalité de la situation est le meilleur exhortateur et le meilleur témoin. Il dit si vous le savez pas, si vous ne l'avez pas entendu, tous parmi vous, beaucoup ont entendu parler du sida, de l'herpès génital, de la gonorrhée, c'est-à-dire la chourpis, de la syphilis et d'autres maladies qui sont propagées dans beaucoup de pays de l'islam et certaines maladies n'ont pas de remède. Il dit par moments on entend parler de maladies dont la prononciation est difficile en arabe et parmi ce qui s'est propagé ces dernières années, la grippe porcine, la grippe aviaire, les coronas et d'autres maladies. يقول حفظه الله فهل هناك من توبة منكم أيها المسلمون حتى ترفع عنكم هذه العقوبة قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فإذا وقع الذنب فإنه يعم الصالح والطالح إلا من رحم الله ويعم المستقيم والمعوج إلا من رحم الله قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يقول حفظه الله هذا وعد لكم من الله ولن يخلف الله وعده لعلكم تفلحون أي كي تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وآخرتكم إلى حفظه الله تعالى أو مسلمون ياتيل à repentir de votre part pour que ces châtiments se dissipent. Il dit, Hamidallah, quand le châtiment arrive, il sera subi par les bons et par les mauvais, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde. Il sera subi par celui qui est dans la droiture, dans sa religion, et par le déviant aussi, sauf ce qu'Allah couvre de miséricorde. Et il cite le verset dont la traduction approximative nous dit ceci. Repentez-vous tous, ô croyants. Ainsi, vous allez avoir le succès. Et il dit, Habidallah, ça c'est une promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah tient ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Il a dit, la'allakum tuflihoun. Ainsi, vous allez avoir le succès. Cheikh, il dit le succès et le bonheur dans votre bas-monde et dans le delà. Il dit, Hamidallah, Al-Thaniya, Naqdul Mikyari wal-Mizan, Wahada wa Tatfiful Madkuru, Fi Qawlihi Ta'ala, Waylul Lil-Mutaffifin, Al-Ladina idaktalu al-Nas yastawfoun, وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يكتال من الناس بكيل واف وإذا كان للناس نقص وإذا كان للناس نقص فهذا غش وغضر وخيانة للأمانة إلى حفظه الله et la deuxième ignoble mœurs c'est la fraude. C'est la fraude citée dans le verset, dont la traduction approximative nous dit ceci. Malheur aux fraudeurs, ceux qui fraudent dans les mesures et les poids. Malheur aux fraudeurs, qui lorsqu'ils font peser ou mesurer pour eux-mêmes, exigent le poids et les mesures pleines et plus. Et qui lorsque eux-mêmes pèsent ou mesurent pour les autres, ils leur font subir des pertes. Ils font subir aux autres des pertes. Ils ne leur donnent pas le poids complet. Et la mesure complète. Ils fraudent plutôt. Il dit, Habdallah, quand il pèse pour lui-même, il prend plus que le poids qu'il doit. Et lorsqu'il pèse pour les autres, il leur diminue le poids. Lorsqu'il mesure pour les autres, il leur diminue leur mesure. Et lorsqu'il, il mesure pour lui-même, il prend toujours plus. Hein? Il dit, et ça, c'est la triche. Ça, c'est la trahison. Ça, c'est être déloyal concernant le dépôt. Et il dit, Habibullah, Al-Khislatu Al-Thalita, Man'u Al-Zakat, الزكاه من فرائض الله التي من جحد وجوبها عالما عامدا طائعا مختارا غير مكره متذكرا كفر ومن منع وجوبها تهاونا وكسلا مع اقراره بوجوبها فهذا فاسق من الفساق. Il dit, حفظه الله, la troisième ignoble mœurs, le fait de ne pas s'acquitter de la zakat. Ceux qui ont le quota duquel doivent s'acquitter de la zakat ne s'acquittent pas de leur zakat, alors que c'est une obligation parmi les obligations qu'Allah a fait. Et celui qui rejette et ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la zakat en sachant que c'est une obligation de la religion de Allah Azzawajal, et en se souvenant de cela, et en se souvenant qu'il doit sortir la zakat, et sans en être contraint, c'est un mécréant. C'est-à-dire, il rejette l'obligation de la zakat, il sait qu'il doit la sortir, il s'en rappelle, et il n'est pas contraint de ne pas la donner, et il ne la sort pas. Il ne voit pas son obligation, il ne la sort pas. Celui-là est un mécréant. Et il dit, حفظه الله, وَمَنْ مَنَعَ وُجُوبَهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا مَعَ إِقْرَارِهِ بِوُجُوبِهَا فَهَذَا فَاسِقٌ مِنَ الْفُسَّاقِ. Et il dit, Hamidahullah, et celui qui ne s'en acquitte pas par paresse, par négligence, tout en reconnaissant et confirmant le caractère obligatoire de la zakat, celui-là c'est un pervers parmi les pervers, c'est un désobéissant parmi les désobéissants. Il dit, Hamidahullah, وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو أن أغنياء المسلمين اتقوا الله فيما يجب عليهم من حق ما أتاهم من أموال وجمعت هذه الزكوات لنال حظه من أهل الإسلام كل محتاج بقدر ما يتيسر. Il dit, Habibullah, il a été rapporté authentiquement du prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah et d'autres selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque possède de l'or ou de l'argent, c'est-à-dire qui a atteint le quota de la zakat, qui possède de l'or ou de l'argent, il ne s'acquitte pas du droit de sa zakat, le jour de la résurrection aura le flanc, le front, le dos brûlé par des plaques de métal chauffées pour lui spécialement dans le feu de l'enfer, et chaque fois que les plaques refroidiront, ils seront replongés dans le feu. Le châtiment durera une journée équivalente à 50,000 ans jusqu'à ce que tout le monde soit jugé. Et il verra alors quel chemin il va prendre, celui qui conduit au paradis ou celui qui conduit en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et il dit, Hafidahullah, si les riches musulmans préservent les droits d'Allah dans la fortune qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyée et que les zakats sont ramassés et distribués aux ayants droit, tous les nécessiteux parmi les gens de l'islam auraient leur part selon ce qui est ramassé. il dit hafidhahu Allah, al-uqubatu al-rabi'a, wa hiya naqdu ahdillah, wa ahdi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. والعقوبة تسليط الله على هؤلاء الناقضين عهد الله وعهد رسوله أعداء من الكفار فيأخذوا ما في أيديهم وهم في غاية الذلة والهوان والصغار الجزاء من جنس العمل عهد الله سبحانه وتعالى عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين بإخلاص الدين لله وحده وإذا الكثيرون وإذا الكثير منهم يشركون بالله فيستغيثون بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ويقربون القرابين والنذور للمشاهد والأضرحة ويسألونهم ما لا يسأله إلا الله ما لا يسأله إلا الله يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات إلى غير ذلك مما لا يسأله إلا الله سبحانه وتعالى ومع هذا يزين لهم شياطين الجن والإنس فيتبعونهم وينساقون وراءهم ويقولون هذا من محبة الأولياء ومن إكرامهم غفلوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم فأبوا إلا الشرك. Il dit, Habibullah, la quatrième ignoble mœurs, le fait de ne pas tenir l'engagement avec Allah et avec son messager, alayhi salatu wassalam. Il a dit, le châtiment qui en découle, c'est que les ennemis parmi le kuffar sont parents de ce que les musulmans ont entre les mains. Ils seront dominés par eux, humiliés par eux, car la récompense découle de la nature de l'acte. Il dit, Habibullah, l'engagement des musulmans vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de son prophète, de son messager, alayhi salam, c'est d'accomplir la religion sincèrement pour Allah. Alors qu'une grande partie donne des associés à Allah et demande le secours à des créatures concernant des choses que ne peut faire qu'Allah. Et ils ramènent des offrandes vers les mausolées et font des vœux pour eux. Ils leur demandent ce que ne doit être demandé qu'à Allah. Ils leur demandent de subvenir à leurs besoins, de les délivrer de leur détresse et autres choses qui ne doivent être demandées qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit avec cela, et dans cela, ils suivent Shayatin, Shayatin al-Jinn et Shayatin les humains, qui leur ont embelli, hein, tout ça. Ils leur disent que cela fait partie de l'honoration et de l'amour des vertueux et des alliés d'Allah. Et ils sont devenus inattentifs au livre d'Allah et à la sunna de leur prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils ont opté pour l'association et pour le polythéisme. Il dit, Habibullah, وَمِنْ نَقْضِ عَهْدِ اللَّهِ وَعَهْدِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِدَعَ وَالْمُحْدَثَاتِ وَمَا عَلِمَ هَؤُلَاءِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَطَ عَلَى عِبَادِهِ شَرْطَيْنِ حَتَّى تُقْبَلَ مِنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ أَحَدُهُمَا تَجْرِيدُ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَحْدَهُ تاليهما تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit, Habibullah, et fait partie du fait de ne pas tenir de l'engagement avec Allah, de ne pas tenir son engagement envers Allah Azza wa Jal et envers son messager, les innovations et les nouveautés dans la religion, hein, il dit ceux-là qui innovent dans la religion ont oublié qu'Allah n'accepte aucun acte d'eux sans ces deux conditions qui sont la sincérité, l'accomplissement de l'acte sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Il dit, Habibullah, فَإِذَا أَرَادَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَتَحَقَّقَ لَهُمْ مَا وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِالنَّصْرِ وَالْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ وَالتَّمْكِينِ فليعودوا إلى عهد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليحكموا شرعه طيبة به نفوسهم كما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويجانب الهوى والملبس من شياطين الإنس من مستشارين ودعاة سوء وغيرهم فإن هؤلاء كلهم يدعون إلى النار والله سبحانه وتعالى يدعو إلى الجنة. هذه أربع بأربع، أربعة آثام بأربع عقوبات. يلدي حفظه الله تعالى سي لي مسلمون veulent que s'accomplisse pour eux les promesses d'Allah, le soutien, le triomphe, la puissance, les honneurs et le pouvoir sur terre, ils doivent revenir à l'engagement avec Allah. Et ils doivent revenir à la sunna de son messager, alayhi salam. Ils doivent juger avec sa législation, en toute soumission et en tout apaisement. Ils doivent accepter les jugements de la sunna et du livre d'Allah et de sa sunna avec soumission et apaisement, sans gêne. Il dit, comme il dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit ceci, « Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans leur litige et qu'ils n'éprouvent aucune gêne pour tout jugement et qu'ils s'y soumettent complètement. » Aucune gêne, une soumission totale pour le jugement d'Allah et de son messager, alayhi salam. Il dit, Havidahullah, ils doivent s'écarter des passions, ils doivent s'écarter des déguiseurs du faux, ceux qui déguisent le faux par le vrai, parmi les shayatines humains et parmi les shayatines du jinn. Ils doivent s'éloigner du conseiller, du conseiller du mal, du mauvais conseiller, et des prêcheurs du mal et autres, car tous ceux-là appellent vers l'enfer. Tout cela appelle vers l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala appelle vers le paradis. Il dit, Habibullah, là ce sont les quatre ignobles mœurs avec leurs quatre châtiments. Cette assise a eu lieu le lundi 20 Rajab 1435. Et c'est là où s'arrête, là, les leçons que Cheikh a déduit de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la et qu'il le guérisse. Et on voit bien les leçons qu'il nous a donné Cheikh. On voit bien notre situation, comment il est. Regardez toutes les situations, tout ce qui est cité dans le hadith, et regardez ce qui se passe, dans les sociétés musulmanes, comme adultère, comme alcool qui se vend en public, comme beaucoup de choses, Et on est étonné qu'on a le corona ou qu'on a, alhamdoulilah, qu'on n'a pas plus que le corona. Parce que quand tu entends les insensés, vouloir la liberté pour, avoir la liberté de rompre le jeûne en plein public dans les pays de l'islam, ou des associations kif-kif, c'est-à-dire, nous sommes tous égaux, c'est-à-dire les homosexuels et les autres, etc. Et ce genre de, c'est, qu'est-ce qui découle de tout ça? Ce qu'il y a dans ce hadith. Et, Cheikh Habibullah n'a pas traité la cinquième ignoble mœurs. En tous les cas, il n'est pas dans le recueil que j'ai entre les mains. Cette ignoble mœurs qui est le fait de juger avec autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé. Autrement, le fait de juger avec les lois tribales ou avec le coutume ou avec les lois inventées par les hommes ou autres, alors que tous les musulmans sont obligés de se conformer au livre et à la sunna et de juger avec les lois d'Allah et avec sa législation subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez ce qui se passe dans la réalité et le châtiment qui découle de cet ignoble mœurs, l'enclenchement du tuyau entre les musulmans et la division entre les musulmans, ce qui les rend une proie facile entre les mains des ennemis d'Allah. Regardez ce qui se passe autour de nous. Hein? Il faut, frère en Allah, Azza wa Jal, et ceux qui méditent et qui voient comment les juifs et tous les ennemis d'Allah méprisent les musulmans, comprend si Allah lui donne la clairvoyance et lui ouvre les yeux du cœur, que ce hadith est un emblème parmi les emblèmes, hein, et parmi les grands emblèmes de la véracité du véridique, alayhi salatu wassalam, le véridique qui n'a dit que la vérité, et que c'est un emblème qui prouve la véracité de ce message, alayhi salatu wassalam, et qu'on ne soit pas aveugle, et qu'on ne cache pas la vérité avec l'étoile d'araignée, qu'on regarde et qu'on médite la situation de notre monde musulman, et qu'on voit ce qui est cité dans ce hadith. Combien de tombes s'adorent en dehors d'Allah? Combien d'offrandes s'offrent à ces mausolées, à ces morts dans ces tombes? Regardez le zina, regardez le riba, regardez le manquement de la zakat, les innovations. Et partant de là, on comprend pourquoi on ne peut pas avoir la suprématie et le pouvoir sur terre. Hein, et le triomphe et le soutien d'Allah. Pour cela, il faut revenir. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah il vous fera triompher et il raffermira vos pas. Il faut qu'on revienne vers Allah, un retour sincère. Si on veut les honneurs, la suprématie de cette communauté, et qu'on profite de ce confinement, hein, pour faire le point avec nous, avec nous-mêmes, et qu'on regarde où sommes-nous par rapport à la religion d'Allah, par rapport à nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, vis-à-vis des personnes âgées, à tous les niveaux, où sommes-nous de tout ça? Où sommes-nous de ce que nous dicte notre législation, la législation de l'islam, le livre et la sunna, selon la voie et la compréhension du pieux prédicateur d'Allah Alim? قال عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. Il est dit dans le verset il est très clair, Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Nous voulons les grâces d'Allah, nous voulons la suprématie et les honneurs, nous devons changer notre situation, remédier à nos lacunes, délaisser les innovations, délaisser le fait de suivre n'importe quel haut-parleur et de suivre le livre et la sunna selon la voie et la compréhension du pieux prédicateur d'Allah Alim, et d'être derrière les grands hommes de science dignes de cette communauté. Et la louange à Allah et à Allah, ils sont encore nombreux de notre communauté, alhamdulillah. Face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula, أن يفقهنا وإياكم في دينه. سألوه سبحانه وتعالى أن يرد إليه ضال المسلمين ردا جميلا. سألوه سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. سألوه سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يرفعنا عنا هذا البلاء وعن الأمة الإسلامية. سألوه سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء عن الأمة الإسلامية. نسأله سبحانه وتعالى أن يخرج إخواننا المسلمين من هذه البلاد التي لا تدين بالإسلام سالمين غانمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا وأخواتنا المهاجرين والمهاجرات في بلدان المسلمين, أن يثبتهم على هجرتهم في بلدان المسلمين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.